sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne-Henri sur RKB pour Inter Brezonek. Alors, comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est un mot, ça m'a fait, j'y ai pensé l'autre jour, puisque parfois, quand j'allais faire des courses et, ou n'importe quoi et que j'étais un peu en retard, ma grand-mère me disait « Covid plus harp ». Donc, qu'est-ce harp, que ça veut dire? Alors, c'est difficile à traduire. Hein. Harp, ça veut dire en fait un appui, un blocage, un été aussi. Bon, harp, hein, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer, hein, ou quelque chose qui, alors ça peut nous aider ou ça peut nous empêcher d'avancer. Hein. C'est un peu difficile à traduire. Et alors c'est un mot masculin qui est d'origine assez confuse aussi. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et donc qui est très employé. Hein, bon, harp. Hein, donc tout ce qui est un été, quelque chose qui empêche d'avancer, mais un tuteur, hein, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors à partir de là, il y a des mots de la même famille, bien sûr. Harpant qui est aider, soutenir. Hein, voilà. Tuteurer aussi, hein, par exemple pour une jeune plante. Hein, voilà, ou pour dans au point de vue figuré, si on veut, hein, tuteur, un tuteur, quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre, on dira narper, hein, ou harpour, hein, donc voilà, quelqu'un qui va aider. Et harpant, bien sûr, soutenir, s'appuyer sur quelque chose. Voilà. Alors le contraire de harpant, qui est aider, c'est diharpant, qui veut dire cesser d'aider, voire même saper carrément. Voilà. Alors harpus, donc qui veut dire soutenant, hein, voilà. Et alors bon, voilà une façon de le dire. Alors il y a d'autres mots, par exemple zouten. Alors c'est ça s'écrit zouten, mais nous on prononce ça zouten, hein, zouten, hein, qui est à la fois un mot et un verbe. Hein. Zouten, c'est un soutien, et zouten, hein, c'est le verbe soutenir. Hein. Quand me meus en plariong de zouten me bu, et disait un gars dans une chanson là, et ça le rendait très joyeux. Alors c'est un mot qui a été emprunté au français, mais très tôt, hein, dès le XIIIe siècle. Donc le verbe, hein, souten ou soutenin, hein, qui va avoir un participe passé, zoutened, hein, zoutened ebed, hein, il a été aidé. Et le contraire, bien sûr, cesser de souvenir, c'est disouten, hein, ou ne pas soutenir. Hein. Voilà. Alors, également emprunté du français, zikour, hein, zikour qui veut dire le secours, hein, mais qui a un sens un peu différent du français secours, qui a plutôt le sens d'une aide, hein, en fait, hein, secourir, aider, hein, zikour, hein, qui est un verbe également. Hein. Par exemple, il y a Itronvar Yaguir Zikour, hein, qui est Notre-Dame de toute aide, on dit en français. Hein. Donc, par exemple, à Guingamp, hein, l'autre jour, j'entendais, là, il y avait une émission de Tude de Zanvreau sur le pardon de Guingamp, et on entendait Anofred qui chantait l'étrange cantique d'Itronvar Yaguir Zikour. Je dis que c'est un étrange cantique parce que c'est un air qu'on ne trouve que dans ce cantique-là, en fait. Voilà, je ne me risquerai pas à te le chanter. Ah, je pensais, j'attendais. Je ne vais pas me risquer à te le chanter. Mais c'est un air assez étrange, en effet. Itronvar Yaguir Zikour. Donc, Zikour, donc, l'aide, et Zikouriou au pluriel, hein, des aides. Alors, le verbe, hein, également, Zikour. Hein. Zikourer, qui est quelqu'un qui aide, un secouriste aussi. Hein. Zikourer, un secouriste. Voilà, Zikourus secourable. Et ça me fait penser aussi à une autre façon de dire les choses, qui est squazel. Hein. On trouve ça dans les noms d'association assez souvent. Hein, squazel, donc, qui est également l'assistance. Hein. Squazel. Hein. Alors lui, c'est un vieux mot, un mot germanique, hein, qui est passé en français à partir du francique, hein, et qu'on trouve assez fréquemment aussi. Hein, squazellant. En architecture, par exemple, hein, squazelblick ou squazelvols, c'est un arc boutant. Hein, en architecture, on voit ça pour les églises, par exemple, hein, des constructions extérieures qui permettent de soutenir, d'éviter que la voûte ne s'écarte, hein, et ne finisse par tomber sur les fidèles. Voilà. Alors, squazelant, donc c'est assister, aider. Ça a pris un sens en breton actuel aussi, de subventionner. Hein. Alors, squazel, ça peut être une aide, une subvention. Hein, ça n'existait pas autrefois chez nos ancêtres, mais aujourd'hui, squazelant, donc aider, voilà, subventionner. Squazeler, c'est celui qui aide, hein, assistant. On pourrait appeler ainsi un mécène aussi, quelqu'un qui va aider. Alors, squazeler, hein, voilà. Squazelus, aidant. Alors, disquazel, un disquazel, c'est la non-assistance. Hein. On dit souvent, terme juridique, à personne en danger. Hein. Voilà. Alors, kensquazel aussi, kensquazel, c'est une entraide réciproque, c'est-à-dire, c'est presque, entraide réciproque, c'est presque un pléonasme. Oui, c'est ce que j'avais te dit. Mais c'était pour montrer le sens, effectivement, de ken, quoi. Hein, d'accord. Qui suppose un échange. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on entend très souvent aussi, qui ressemble à zikour, mais avec un R, qui est ricour, hein, qui est le recours, en fait. Mais, par exemple, on va dire, ricour don Bedgantan, j'ai été bien aidé par lui. Mm-hmm. Voilà. Eh ben, ricour de bras, on gandar, anvi de nabaden. Voilà, je suis très aidé par toi pour les missions. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus, sur ce brin d'optimisme. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek dans ma tombe. Brezonek dans ma tombe, eh bien, c'est le dialogue de cette émission de Hentar Brezonek. On va retrouver toujours Chandik, hein, la fille de la radio, qui fait des petits reportages, c'est souvent à Zantolek, là c'est à Zantolek à nouveau, et c'est Job qu'elle va interviewer, c'est qui ? Job Nedelec, hein, donc l'instituteur en retraite maintenant, et qui est président de Bleu New Zantolek, l'association culturelle. Et là, ils font une exposition de tableaux, donc dans la chapelle Zanderne à Karmakal. D'accord. On va les écouter. Salut Job, Marge. Matri, Chanik, Abraouen Amza. Larry dit Job, Clévet de Meuse, Vogret Prestig, Bazan Toleg, Ndiskoizadek, Tolenou. Ya, Chanik, Guiré. Ah, Plaire Vogret. Bah, chapelle zandern, bah, kermakal, ou l'air brav, vide oberzé. Ah, gant piou et aouzet? Gant bleu en tolek, vel juste. A peser tolenou et vous, gwelet? Ah, tolenou, livre de zevro, y want goyat? De zantolek? Non, bah, rostrenement au chom. Tolenou di war ben. Di war glader vrod, reistol, chapelle you, vel chapelle l'or, bah, purut, pe chapelle kerhir, bah, plonde. Mon erio, fentenou, hinchou cleuse. Met tressen normaux zouez us on tom vel van gog ma peswan. Mais don de rit pe bene saden pe vous igoret. Ya, sûr, don de rit. Voilà. Voilà. Mais on va reprendre voilà. Phrase à phrase ce dialogue. Salut job, ma jeu. Oui, bah, ma de jeu, ça va, comment ça va? Ma tri chanik à brau en amzer. Oui, ma tri, très bien. À brau en amzer, hein, il fait beau. La rit din job. Clévé de muse, vos grètes prestiques, basant tolek, un disqueza, dec tolénao. Ya, l'arrêtine, ta job, dites-moi un job. Clévé de muse, j'ai entendu, vos grètes prestiques, un disqueza, dec tolénao. Donc, j'ai entendu que sera faite bientôt une exposition de tableaux. Tolénao, des tableaux, hein. Sauf qu'il n'y a pas que. Hein? Tu dis que sera fait bientôt, mais en breton, ouais, il n'y a, ouais, pas, y a le... pas le que, hein, vos grètes. Le que est sauté. Voilà. Voilà. Il y a un chanik, guiré, répond Job. Oui, chanik, c'est vrai. À plaire vos grètes, demande-t-elle. Et où ça se fera, hein? Bah, chapelle Santerne, bah, Kermakal. Voilà. L'air brao, il vit et d'Oberzé. Bah, chapelle Santerne, bah, Kermakal, donc dans la chapelle Saint-Hernin, qu'on a souvent visitée. Oui. Hein, chaque fois qu'il y a les journées du patrimoine, on y va. À Kermakal, hein, village de Zantol, bien sûr, bien connu. Au Lerbrau, Vidoberzé, un bel endroit pour faire ça, au Lerbrau. Hein. À Gantpiu et à Ozet. Yeah. Et avec qui c'est organisé, Ozet, hein, mis sur pied, organisé. Gant Bleu New Zantolek, vel juste. Gant Bleu New Zantolek, hein, l'association culturelle donc de Zantolek, hein, les fleurs de Zantolek, si on traduisait. À Pessor Toleno, vos gouelettes. Oui, et quel tableau on verra, Pessor Toleno, vos gouelettes. Seront vus, quoi. C'est une forme passive, hein, comme souvent en breton. Toleno, livour de Savro, Iwan Gaugat. Voilà. Alors, des tableaux d'un peintre du pays, livour de Zebro, de Zervro, je veux dire, Iwan Gaugat, hein. De Zantolek? Alors, elle lui demande de Saint-Tolek, de Zantolek, ouais. Non, bah, Rostrenement au chaud. Non. Il habite à Rostrenin. Alors, c'est la forme progressive, hein. Bah, Rostrenement au chaud. Hein, il est en train d'habiter à Ostronin. Hein. Ouais. Voilà, c'est très très courant en breton. Hein. Et Chanik demande, Toleno de Warben. Alors, oui, à quel sujet qu'est-ce que ça représente ou que, hein, ça pourrait ne rien représenter si c'était de la peinture non figurative, mais là, elle pense bien que ça doit être quelque chose comme ça. Dreistol de Warben Gladar Vro. Voilà, surtout sur le patrimoine Glad, hein, Glad, le patrimoine, le patrimoine du pays. Chapelio, belle chapelle à l'or, bah purut, puis chapelle kérir. Voilà. Pemrit. Alors des chapelles, hein, comme par exemple la chapelle du Lor à Pemrit, ou la chapelle de Kérir à Plounévé. Hein, on fait en même temps un petit tour. Trouer Chapelio, hein, justement. Voilà. Manerio. Manerio, des manoirs. Fontenio. Des fontaines, Fontenio, hein, des fontaines. Un chocleuse. Ouais, des chemins creux. Hein, les peintres aiment bien les chemins creux. Hein, il y a une lumière particulière. Hein. Là, comme on dit. À Fouenant, on dit la lumière verte, hein, c'est joli. Dans le bocage comme ça, ouais. Mais tresser les normaux, zouézus en temps. Mais dessiner, tresser, hein, d'une façon un peu surprenante, normaux, zouézus en temps. Un temps vel Van Gogh, ma carite. Oui, un peu comme Van Gogh, si tu veux, si vous voulez, puisqu'il la vous voit. Un peu comme Van Gogh, c'est-à-dire avec des lignes courbes, hein, un peu comme l'église d'Auvers-sur-Oise, là. Hein. Ouais. Tu vois, comment c'était. Oui, ou les oliviers aussi, hein. Mais, donnerit bendissadan, pas vous digoré. Ya, et, mais vous viendrez, samedi, quand ce sera inauguré, pour l'inauguration. Et Chanik répond, ya, azur, donnerit. Voilà. Donc, on aura droit à l'inauguration. On verra un peu mieux de quel genre de tableau il s'agit. D'accord. Ben Arvégel. Alors, Eri, Petra zone VR Vro. Ma calze draouzo et vel juste boyer vige di ouzan. Krogom de dientan vel costume grand de l'arbre douar. Ba mis meurs ma pejonge calze dut, ma me stu de ski en bénéfice de l'arrêt, wem hont de garde or bla zérour, hein, zéro roi, ma me suis de bla mil no han hoise gatrugen, ba 1976 et galak. Hag vigelar dro un amz ur vo zer ar roaz vid de blase. Met evel just ne ket bet dis e tamm bet hag gwelaret rontre le bet, hein, plus dur zo bet dour hag amz ur yin hag avel gri hag benefin ve gwelet ar neus ket moyen de houd un amz spet vid ur zun ur rog hag bon ne ket bra l'ar pe sa amz ur reign, hein, nabamisme, nabamis de heuil. Bon. Échu est vraiment neve amza, tram de dé, ni que bigualdom. Hag vraiment on bat nan de vat. M'avait fait bête, on tombe amza vra, ou me stra, on tombe tomde. M'avait fait bête, m'avait fait juste vide un trévadou. Hag vide un dut, gwelet vau. Mais bon, un dû de n'est que vie dormante, mais de vie zéve, et leur chance, car elle me fait béreuse très dé. Dern vang fait dé, car dans leur zir, dern quand leur grip, avec dix semaines qu'on. Puis on, au combs de ce neve amz, roas, ne waran que ta guin plus clève, puis plus bitro de clève d'or goukou gor blamant. Clève plus or goukou? Non. Mi me clève n'ay dix pédères, oui, je mets de war zéblan ne wa. Bair an arl an ganteg, pe an eil an vel ar l'air el, hag ne oa ke hir ar gan oa an ganti, me me me stram eus be klev an di peder gwej. Hag ma trezen e bar mo oa re yin an amzor, ma trezen de gant a ke tiemet pe ve hir an, pe ve yin an amzor ne oa ranket. N'eus ke pel zo pe ve komz eus trevadou, oa bet ba nou voa tou zo ar gerriad an zo tost de razon, hag zo bet enan salon zo riot, hag uire e breiz amman doug un dregant de ze labour, de ze dou ar labouret, ve implijet evit ar riot, da vang, de vag an elonde de vel just, hein, zo lez, pe zo kit, pe de ve roaz ba le hel, hag ur gwedman e ur mahamatan zo moyen de gav de vid de londe tse, pudur vez erret gant de londe do hen. Velard et des pochons, ur veur an eus un droare eus yod ba pen rog, hag eus ku ur temz ba pen drin. Hag an se, hag oalare da ur veur sur un dra bouiz, vid de l'arbre douar. A setu ba nou voatou oa bet tu de velet tout pesonne ve war l'arbre un dro de riot. A kal ze dut zo bet enan evelze, evel just gwell pet se oane ba... Bana farse. Vichon mwardachen de l'arbour douar, ministre neve zo behanvet, ba place de notre ou maire, notre ou le maire, vraiment velan notre ou maire, Alice, ou un ministre cause, a vraiment et Stéphane Orfol, zo or braizad, hein, plus dur de stu, y font, tu y dote, et de ze berian, ba meneare, a de stu y vent, et y vent, mais de zantrimuel, ba brogalo. Hag, bon, on t'en mal de l'arbre, on eus un dins, vid la canentre ou arang, vid de l'arbre d'ouar. Orpez studiaden, puis on comte de ze l'arbre d'ouar, hag, de ze nendro. Orpez studiaden, eus au begret, war amzer de zone brodriga, hag, zevelar de Scott, hein, Scott zo, schéma de cohérence territoriale. Hag, comte eus au becas, justement, de zimpligen d'ouar. Plus dur, bretan vraiment vigé que zé le bair de ze douar vide la bourrade, hein. Plus dur vigé gret de heb jonge al kalz, ba nambzor de zon, vigé gret de kalz dir, kalz kenverjou, hag hench ou les dents, hag tamatam dis vigé deb d'un douar implijet gant de l'or bon douar. Ah, vraiment, bon, zo jon de longtemps me fait bémat me mestra mon douci qu'organisé hag bazer scots vos classes d'espern un douar labour d'un da square vos raid jon jal pesamo de hadim pli gentir a zo dile zet ba kreiser bourko pesamo zevel un tirné et war tachinou bi en or hag bonne calze draw dis Bon, puis on compte de ce l'arbre doux à Rouest, remène des salons un l'arbre doux à un département, un terrali, avec calze d'huile zobé de Veljust, à Brom avec compte de ce espace, hein, au vos barroison, bah, mis gwen golaou. Pemple à Warnugenzo, à Bécrou et d'espace, avec Blom, du roi, vos gwen, l'énan Rouest, calze d'rou, Warndachen. Bah, ma schools vel erspas, vous grêle battre malga, d'or hen divis, pe or holog, ma peswan, pe vel ard in galaga, di warben un dour. Hag on eubeu strolad, ou neus non la que semble, zévit de, jusmal, zével or hen divis, bamis gwen golau. Hag ar, vel jus, ne vaut que tiem me de dut, vel baspas, ma son vef ebet, sterz digem arne, battre malga, même me stra, vos cal je dut, hein. Plus dur, zo gotej de trop tri en de dud, ma treize n'vo ba très mal gat, ba mis gwengolo ou vite comps, de zun dour à de spers you mod en dour. A pis sa mode quand tourné de bavro. Bon, ou ardachen politiker, c'est vraiment, zo moyen de l'art de yeshu ur votadegu, hein, votadegu zo bédhir blanc, hein, plus dur, vigégrette, vidor, notre président, n'a que viden dileni, dit ba comme un député, hag drevraz, be breizam eet ur maout gant un tuklei war peptachen, ur president neve, hein, Franche Hollande, evel just, deja oet gant un tuklei pez velard sena, galak ze zo kambregos, vidur benefin, ya, ze oa stern, oa kambregos, hag oet deja gant un tuklei, a bremañ kamb un député eet. Hag evel juz o kalz l'arbre war a blanc on me bar evit de rezo bet dilenet. A kalz a reyo an, enfin a reyo an, re en oan ki rog bopet zo bet dilenet. Hein. Hag peso zouezuz breizam zo bet de yed mog an un tuklei mam eus l'er vije. Vot gwen bet ag bremañ, hein. Ba mor bihan a ba broleon. Biskoaz tiem edel. Zo bet gwelet. Bon, comme on tombe de ce événement dur vraiment. Vipezel de ce brison de Bascol ou Arzeblan ne yak gwalvar d'un trou ba marman. Comme je vais calz mais d'un trou nan que casoarok. Da square ba kalak. Zo rak 13 et vidigor in orlas di yezek galag a brison de bugal et war zo calz zo loge ris vidarlas. Mais de Zuroir ou Jacobine Dresindan nos labourat et vide hars en trou de Vondoirog, velve gwel d'ali jiwas. Hag ne que zur tant me bet vos gret bakal hag apes peso bet jonge gant ar rak tres. Hag o skouer an el da skouer de ze nakemar d'un trou gant ar brezondek, dreistol vid ar vugal et peso on dru e mem estra. Noblasso oa be krou edo on a bar de noir effertri, vide vugal et oua mouchigdal. Hag, on draval oua vide vugal et gwelet bugal et elle au comms brezon, clèvet tantant brezon oua skinwell. Hag, Hervé clèvet ne vaut que grétine, puis dur effertri, nous au cas espernerant. Hag, ouskoude ne grédant que des balles brezon de glacancals errant. Puis dur ne voit que bédon tant ma bar de nugen minute. Hag, zé oua bras vide vugal et hag, Hervé clèvet bonne. De vos que grétine. Bon. Hendel, peum comes de ze zévenadur, calze drogs au bavro, ndl, ba botora, ou adigor de mirdi, war, mirdi, war, brezel diouzon, war, batriote de bavro, bénéfine, hein. Hag, bon, mirdi, bras de vel, de, calze drogs ve disket, ba mirdi, ze. A hendel, zo nosteliri, zo digor, de, a dis zo moyen de monde chaque à longtemps bois de valer hag bon lara rande d'une dune Montevelle donc tal ara bon Montevelle bon warda chene zon eres ur strolad tu de zo laboura de mar et mon ou arton you permine permine de zihan guir ou Yves Mene a wa be les hang de permine hag neus bet labour de war e gavoten pa de pujan ni oa zavet o strolad oa ideal jazz zi oa rog brez el diouzan hag jizmat zo bon kalz dun neus bet benefini ke ben en rol kalz hein, mezon neus ke kalz neus ke mefan sur fur ni oa bet en rol d'on tom deus mi mele Mais de cases en aérien, accordéon, ne sont là qu'au alerte d'Anzé, vel Jean Quatleval, ne sont de zone de cases ton yo Yves Méné, hag bon bremont zo strolatud hag studiaouan, hag zo labourad war ton yo Yves Méné, a zo war vo gred ur bladen war ze. A ma peu soant vide chu, vo chila oued an tam ton yo deus Yves Méné gant le bourg Baudros.